Un rendez-vous par Luigi Gualdo. Chapitre 1er. Vers la fin de l'hiver, dans un grand bal à Rome, le poète Luciano Ricciardi se tenait debout dans un coin à regarder. Pauvre et d'origine obscure, il s'imposait par son talent, par un charme souvent irrésistible. Jeune et beau et ayant eu des succès, il était naturellement antipathique à beaucoup. Mais ceux-là même qui affectaient de le mépriser le sentaient supérieur. Son attention se concentra tout à coup sur une très belle femme qui entrait parmi la foule au bras d'un personnage haut placé. Déjà la veille, au théâtre, il avait admiré cette étrangère, dans laquelle un naïf même aurait reconnu une de ces personnes qui jouent un premier rôle sur la scène de la vie. Elle aussi avait remarqué Luciano et tournait longuement vers lui son binocle sans aucune gêne. À la sortie, pire encore, elle lui avait jeté un regard doux et impérieux, qui disait trop, et montée en voiture, s'était encore penchée à la portière pour le revoir. Elle s'appelait la comtesse de Sontange, et était jeune depuis bien longtemps. Impossible d'affirmer son âge. Le corps était une merveille. Très grande, la taille mince, le buste imposant, des bras de déesse. Ses bras et ses épaules, du marbre animé, sortait d'un corsage couleur vert d'eau à arabesques d'argent. Dans le visage, un peu long, uniformément teinté de rose pâle, de grands yeux au regard indéfinissable brûlaient, artificiellement agrandis. Entre les lèvres trop rouges blanchissaient des dents superbes. Les cheveux rutilaient. De très près seulement, on arrivait à découvrir quelques traces de fatigue. Et il fallait penser que cette tête défiait depuis longtemps les saisons, puisque certainement l'ongle du temps ne devait pas avoir pu marquer facilement ses chairs. La comtesse jouissait d'une très mauvaise réputation. On racontait d'elle des histoires étranges, mais à cause de son grand nom, de ses alliances et de son habileté souveraine, elle était toujours bien reçue. Il était rare qu'on fît quelque objection à son égard, ce qui du reste la laissait assez indifférente. Au milieu d'un groupe d'hommes, elle ne répondit que par un signe de tête et un léger sourire lorsque Luciano lui fut présenté, mais vers la fin du bal, il entendit derrière lui la voix de la comtesse, une voix un peu rauque de contralto. « Monsieur Ricciardi, voulez-vous m'offrir votre bras ?» Après un tour à travers les salons, ils s'assirent dans un boudoir écarté. L'écrivain fut surpris par l'art subtil que mit cette femme du monde à savoir de suite lui parler comme il le fallait. Elle possédait en effet au plus haut degré la science si difficile de la flatterie. Effleurant d'abord les sujets littéraires simplement et avec tact, elle fit bientôt preuve d'une finesse insolite de perception en devinant le caractère de son interlocuteur. Montrant en plus qu'elle savait écouter, chose bien rare, et lui offrant l'occasion de se montrer lui-même sous le meilleur jour. Luciano la trouva infiniment spirituelle, par cette bonne raison qu'avec elle il se trouvait lui-même beaucoup d'esprit. La comtesse ne se défendit pas de l'avoir regardée, à la sortie du théâtre, la veille. La causerie s'en allait droit au but, avec bien peu de déviation. Elle se rappela tout à coup l'avoir entrevue déjà, quelques années auparavant, à Baden, en Suisse. « Oui, vous êtes descendu un soir à un petit hôtel, tout près de la gare, et en soupant dans la salle à manger, vous n'avez pas cessé de fixer vos yeux sur une étrangère qui s'y trouvait, cherchant à deviner ses traits à travers une voilette très épaisse, qui lui couvrait la figure. » Brusquement, Luciano se souvint. C'était vrai. Il pleuvait à torrents en cette soirée déjà lointaine. En entrant dans la salle basse et bien chauffée, il s'était senti réconforté, mais bientôt aussi intéressé avec plaisir par la présence d'une femme très élégante dans sa robe de voyage et la tête couverte d'une double voilette. L'aspect mondain et raffiné de la voyageuse formait un savoureux contraste avec le rustique et naïf intérieur suisse. Il lui semblait presque que cela ressemblait à la rencontre de deux habitants d'un même monde dans une autre planète. Un regard brillant à travers la dentelle noire se posa sur lui deux ou trois fois, mais bientôt un jeune Anglais, très grand et très blond, entra et s'assit auprès de l'inconnu. « Oui, je me souviens, » dit-il un peu étonné. « La femme dont vous me parlez avait le pied le plus ravissant que j'ai jamais vu, et qu'elle tenait appuyé contre le grand poil. »« Le voilà, » répondit la comtesse, en montrant un petit pied espagnol qu'elle cacha de nouveau bien vite. Luciano rêvait. Cette ancienne rencontre avec une femme dont l'aspect et la beauté devinée l'avaient frappé, tandis que pendant une minute il avait espéré une aventure, lui était bien des fois remontée à la mémoire. Et maintenant la séduction, les étrangetés de la comtesse le fascinaient, et en découvrant que l'inconnue de Baden et cette presque célèbre madame de Sontange, dont il avait tant entendu parler, formaient une seule et même personne, il lui semblait trouver deux femmes désirées en une, et il se disait que le hasard allait tenir une vieille promesse. Il croyait maintenant la reconnaître, et le violent caprice qui naissait en lui lui semblait déjà ancien. Il oubliait les pensées habituelles qui le rendaient distrait au commencement de la soirée, ne voyait plus rien autour de lui, et s'imaginait que l'orchestre jouait des valses viennoises pour lui tout seul. Et en s'en allant, la cigarette à la bouche, par les rues désertes que l'aube blanchissait, il se rappelait surtout l'accent de la comtesse quand elle lui avait dit « Venez me voir demain vers 3 heures ». Pour sûr, cela ne traînait pas. Mais le lendemain, il la trouva entourée de visiteurs. Cela se répéta à plusieurs reprises. Parfois, au contraire, elle avait dû sortir à l'improviste, ou bien encore était arrivée de loin une amie imprévue, ou bien c'était un homme d'affaires, ou un fournisseur, ou le départ d'un diplomate auquel elle ne pouvait manquer d'assister. Lorsqu'il se trouvait seul, pour un moment, au théâtre ou à la promenade, la comtesse donnait un nouveau rendez-vous, mais qui finissait toujours de la même façon. Et cependant, ses yeux ne mentaient pas, ni son sourire, ni la pression de sa main. Un observateur moins fin aurait cru, naturellement, qu'elle se jouait de lui. Mais Luciano n'en eut même jamais le soupçon. Il comprit, il sentit que tout était vraiment dû au simple hasard. Son instinct, sa sûreté de coup d'œil ne lui laissaient aucun doute. Ce fut ainsi durant plusieurs jours. La comtesse parlait de partir, et Luciano ne s'occupait plus que d'elle, négligeant son travail. Mais les obstacles, les contretemps, se renouvelaient avec obstination. Il la voyait très souvent en public. Cela ressemblait à un mauvais sort jeté, et bien qu'il en fût tout de même furieux, Luciano ne pouvait s'empêcher d'envisager aussi le côté comique de la situation. Ils avaient l'air de vouloir prendre le chemin des écoliers, mais cela n'était pas. Il existait, au contraire, vraiment une sorte de fatalité qui accumulait de petites barrières entre eux. Cependant, Luciano découvrait de nouvelles séductions chaque fois qu'il la voyait dans cette femme intelligente, bonne, dépravée et fantasque. Elle semblait résumer les corruptions de différentes époques et deviner celles de l'avenir. Originale surtout par sa complète sincérité, adoucie toutefois par un esprit très fin, par des grâces inimitables, par sa personnalité marquée en toutes choses. Tous les matins, elle gagnait son pari avec le temps, et elle triomphait tous les soirs de sa lutte presque inconsciente avec le monde auquel elle imposait silence, tout en mettant toujours en pratique la devise de l'abbaye de Thélem, par elle adoptée, « Fais ce que voudra ». Il y avait une certaine fierté de défi dans son attitude, mais par son sourire, elle se faisait pardonner jusqu'à son orgueil dans le mal. De sa vie, elle n'avait médit de personne, et ne s'était pas une seule fois montrée indiscrète. Elle avait fait tout le bien qu'elle pouvait, toujours et partout, en s'en cachant, tandis qu'elle étalait un peu ses vices. Certes, elle ne ressemblait guère aux autres femmes, puisqu'elle ignorait le sacrifice et n'était point belle, puisqu'elle n'était ni capable de se dévouer tout entière dans une abnégation complète, ni envieuse, ni exaltée, ni hypocrite, puisqu'elle manquait enfin et des défauts et des vertus ordinaires de son sexe. Même avant de parler, elle et Luciano s'étaient parfaitement compris. Ils sentaient l'un pour l'autre un violent et passager caprice, un caprice d'un seul jour peut-être, mais d'un jour très plein. De suite, ils s'étaient aperçus qu'elle ne faisait rien, et même ne se refusait rien, sinon par un raffinement d'épicurisme. De plus, il avait été étonné par son intelligence. Cette femme, qui affectait la frivolité, savait toucher parfois les plus subtiles questions, ayant beaucoup pensé. Elle, dont la conduite avait scandalisé 3 capitales, soutenait abstraitement et avec une sincère conviction les plus saines théories. Elle avait une fille et, sans aucun doute, elle devait l'avoir très bien élevée. Dans les heures noires de sa vie, inévitables mais rares, lorsqu'elle sentait le vide réel de son existence s'y remplir, elle fermait sa porte et restait seule, trop fière pour se plaindre et sentant n'en avoir pas le droit. D'ailleurs, son caractère gay en même temps fataliste prenait bien vite le dessus. Au désir soudain qu'il avait à son tour poussé vers Ricciardi et auquel elle était sur le point de céder, s'ajoutait une vraie sympathie d'esprit. Connaissant assez l'italien pour pouvoir goûter les livres du poète, elle en appréciait particulièrement le talent. Un soir, à un concert, la comtesse annonça à Luciano qu'elle était forcée de partir dans 2 jours, et elle ajouta à demi-voix « Venez déjeuner demain avec moi ». Et tandis qu'un drôle de sourire un peu ironique se dessinait sur les lèvres du jeune homme, elle insista « Je vous en prie, je le veux ». Et plus tard, elle continua à le regarder de loin. Le lendemain, à midi, Luciano, reçu comme il ne l'avait jamais été, fut ravi rien que par la façon dont la comtesse lui posa ses mains sous la bouche pour qu'il les baisât. Peu d'heures leur restaient après tant de journées perdues. Il fallait que ces heures comptassent toute une vie. Qui savait quand ils devaient se revoir? Jamais, peut-être. Mais les belles et rapides aventures sont parfois les meilleures. Dans le banal petit salon d'hôtel tendu de papier clair à ramage, avec le meuble rouge et la pendule en bronze doré sur la cheminée de marbre blanc, où toutefois la femme avait su imprimer quelque chose de son caractère par l'éparpillement d'objets intimes, d'étoffes et de tapis jetés par-ci par-là, de fleurs partout, la table se trouvait déjà toute servie avec 2 places. Madame de Sontange portait une robe d'intérieur d'une étoffe japonaise brochée, d'un vert extrêmement pâle, un rang de perles au cou, des perles célèbres. Ses cheveux d'or relevés sur la nuque. De sa personne émanait un subtil parfum qui s'épandait dans la chambre et semblait venir de partout, de chaque coin où elle s'était posée, de chaque chose touchée par sa main. Elle voulut qu'on se mît à table tout de suite. Dans l'atmosphère un peu capiteuse, la causerie était étrange. Les stores des fenêtres baissées, le ciel obscurci par une approche d'orage, mettaient la pièce dans une vague pénombre. Il semblait que le parfum qui régnait devint plus intense. Le domestique à peine sorti, la comtesse raconta comment elle avait été désagréablement surprise, la veille, par une lettre qui la rappelait à Paris. Impossible de plus retarder son départ. Il n'avait que 2 heures. Alors, elle s'interrompit. Luciano avait approché sa chaise tout contre celle de la comtesse. Pendant un instant, elle s'amusait, en le regardant fixement dans les yeux, à lui souffler en plein visage l'épaisse fumée de sa cigarette à peine allumée en allongeant les lèvres. À cette minute, on frappa à la porte, et presque sans attendre la réponse, quelqu'un entra. C'était le père de Madame de Sontange, un très vieux général, tout d'une pièce, avec de fortes moustaches blanches relevées en croc, qui avait presque l'air de former une croix avec sa figure extrêmement maigre. Ceci était vraiment inattendu. Tranquillement, le général raconta à sa fille, qui ne le savait même pas en Italie, qu'il arrivait en dernier lieu de Naples, sans rien dire, pour lui ménager une surprise, en venant la voir après 1 an qu'ils ne s'étaient rencontrés. Il l'embrassa, sonna pour se faire apporter un déjeuner, et se mit bientôt à manger et à boire sérieusement. Luciano, présenté, salua, resta 2 minutes par convenance, et dut ensuite prendre congé, furieux. 2 jours après, il reçut de Paris le mot suivant, d'une droite et haute écriture masculine. Vous êtes trop intelligent pour pouvoir croire une seule minute qu'il y ait de ma faute dans ce qui est arrivé. J'ai été désolé de devoir vraiment partir, vous le savez. À présent, j'ai 1000 ennuis. Je serai terriblement occupé pendant 1 mois. Puis je devrais rouler encore, reprendre ma vie nomade, et je ne pourrai même pas vous écrire, ni vous donner mon adresse. À quoi cela servirait-il d'ailleurs? Mais écoutez-moi bien. Je sais que vos occupations vous rendent les déplacements difficiles, mais ne pourriez-vous pas venir en Suisse cet automne pendant les vacances? Je serai alors à la Sourvelle, une petite villa que je possède pas loin d'Évian. Venez-y, sans faute, du 22 au 28 septembre, arrivez le jour que vous voudrez. Vous me trouverez absolument seul. Ne nous écrivons plus, et ne m'avertissez pas. Ce sera bien plus original et digne de nous. Mais je vous attends, et je m'en fais une fête. Répondez-moi seulement par un oui, maintenant. Souvenez-vous de moi, je n'oublie pas. Sontange. L'aventure devenait curieuse. ne ressemblant à aucune autre. Luciano s'y intéressait excessivement. Il dut faire un effort pour ne pas trop penser à cette femme excentrique qui lui avait glissé entre les mains par une suite de hasards et qui lui plaisait encore plus depuis qu'elle était partie. Il chercha à se distraire en travaillant beaucoup. Souvent, il repassait dans sa mémoire toutes les phases du court séjour de la comtesse à Rome, la comprenant de plus en plus et parfaitement sûr toujours de sa parfaite bonne foi. Et on ne doit pas s'en étonner, il la sentait sincère. Il était certain de la retrouver s'il allait en Suisse, à l'endroit et l'époque indiquée. Mais il avait parfois un pressentiment superstitieux que par quelque nouvelle malice du sort, la gettatura peut-être continuerait. Puis il riait de lui-même et pensait au mois de septembre avec assurance.